mais moi je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, bienvenue sur Démocratie participative, épisode numéro 14. Vous allez voir, cette semaine est un numéro particulièrement mouvementé. On va parler de sujets un petit peu épineux, un petit peu chauds, hein, des sujets comme le féminisme et l'antiracisme, traités à notre façon, je précise. Mais avant d'aborder tout ça, je vous invite à nous écrire si vous le souhaitez sur notre adresse email, bien évidemment, démocratie participative d'un seul tenant, il n'y a pas d'espace entre démocratie et participative, pas d'accent non plus sur démocratie, @mail.ru, démocratie participative d'un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, d'ailleurs. Je m'en félicite. Vous êtes déjà plusieurs centaines. Il vous suffit de taper démocratie participative, hein, dans le moteur de recherche de YouTube. Vous abonnez ou alors sur, évidemment, notre page Facebook, qui est un moyen très pratique de partager avec vos amis, évidemment, nos émissions qui sont très constructives, vous allez le voir. Donc, allez sur notre page Facebook. Abonnez-vous à notre page et partagez les contenus avec nos amis. Merci à tous ceux d'ailleurs qui le font, parce que je sais que vous êtes un certain nombre. Merci à tous ceux qui nous écoutent, c'est super, parce que c'est fait pour ça d'abord. Merci à vous tous. Aujourd'hui, on a une équipe restreinte, mais une équipe péchue. Derek, comment vas-tu Derek aujourd'hui? Écoute, cher Gandalf, j'ai la bave aux lèvres aujourd'hui. Hein. Tu es nerveux, qu'est-ce qui se passe? J'apprécie à sa juste valeur la suppuration ton nouveau ethnique voisinage. Dans mon pays et surtout voilà. À côté de chez moi, ouais. Voilà. Ouais. Astérix, le fier gaulois, c'est le moment d'en parler d'ailleurs. Ah ben c'est ça, moi mes ancêtres sont gaulois, je confirme, bonjour à tous, hein, content de revenir. Ça n'existe pas, il n'y a pas de Gaulois, ça n'existe pas. C'est une création de l'extrême droite. Hein. D'ailleurs, que tu sois, comme l'a dit Sarkozy, hein, que même si tu es un nègre, hein, du moment que tu es français, tes ancêtres sont gaulois. Voilà, bah moi je vais faire l'inverse, je vais faire mes ancêtres sont gaulois et puis je vais adhérer à l'histoire de Fernand Nathan. C'est-à-dire, c'est quoi là, la dernière histoire en cours? C'est l'Empire du Mali, non? C'est quoi? Ouais, c'est quel truc qu'ils ont? L'Empire Songhai. Hein, voilà, vu qu'on peut tout faire, vu que tout n'est qu'idée, bah moi je vais me faire le descendant de cet empire. Je vais même me faire le descendant de l'empereur. Bah, mes respects, votre majesté. C'est un grand honneur de vous accueillir parmi nous. Fulbert, toi, on peut le dire, hein, tu es un progressiste belge, tu nous viens du Parti communiste, tu me corrigeras si je me trompe pas. Absolument, bien que j'ai des ancêtres celtes, blancs, je précise, hein, mais celtes, effectivement, c'est juste. Tu as adhéré au communisme assez jeune, hein, je crois. Absolument. Tu veux dire que les Celtes sont blancs? Enfin, moi, aux dernières nouvelles, je croyais qu'ils étaient nègres. Non, là, c'est que t'as pas compris, Derek. Ils ne sont pas obligatoirement noirs, mais ils peuvent l'être, c'est tout. Voilà. Surtout quand ils font du bignou. Je suis dans l'incertitude, Derek, pour que tu dises. Ouais, mais toi, c'est pas toi, c'est les communistes. Voilà. Bon, chers amis, alors rubrique numéro 1, autisme radical, peut-être la rubrique la plus inamovible de notre émission, la plus justifiée aussi, j'ai tendance à le croire. Point numéro 1, alors, c'est en forme d'anecdote, mais j'avais envie de le partager avec vous. France Terre d'Asile et les LGBTI. LGBTI. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonne question. Qu'est-ce alors que moi, c'est ça que m'a... les... Alors, oui, alors, Astérix, puisque tu le demandes, le I, c'est... Non, mais toi, c'est en même temps, j'exige que tu... Intersexe. Non, c'est-à-dire, tu sais, c'est, ouais, ce matin, je me sens plutôt un homme, et puis là, à midi, tu vois, j'ai un petit peu faim, j'ai un petit creux. Je me sens une femme, hein. C'est un petit peu ça. Ah, c'est indécis, c'est ça? Ouais, non, est-ce non, que, bah non, intersexe, non, tu vois, c'est... Enfin... Ah, ok, intersexe. Ouais, c'est ça, c'est ah bah non, selon mais le moment de la journée, tu vois, la lune pleine ou à moitié, croissante, décroissante, tu sais pas. Ça dépend, c'est indécis. Ah le bah la lune alors, l'ont souvent pleine, hein, quand même. Hein, et... Voilà, c'est ça. Alors, LGBT, alors tout ça en un seul tenant, ça fait combien? LGBTI, ça fait... LGBTQI, QI, s'il te plaît. Hein. Mais là, eux, ils disent LGBTI, enfin bon, peu importe. Alors, ça fait lesbien, gay, bi, transsexuel, intersexe, ouais, puis le LGBTQI, c'est queer, je sais pas si c'est travelot, un truc comme ça, enfin bref, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Voilà, c'est et dans tout ça. Ça, dans tout ça, évidemment, vous avez bien compris que ça inclut tout. Et les cas les plus extrêmes sont, et ils sont pas rares, hein, pas rares, ceux qui ont changé de sexe et qui se rendent compte, une fois qu'ils ont changé de sexe, qu'ils sont homosexuels. Mais homosexuels du sexe, de leur nouveau sexe. C'est-à-dire qu'en fait, ils convoitent le sexe qu'ils auraient dû convoiter s'ils étaient restés ce qu'ils étaient auparavant. Vous voyez, un homme qui devient femme et puis qui se rend compte une fois qu'il a un minou qu'en fait il aime les femmes. Et ça, c'est aussi inclus dans le grand LG, grand groupe LGBTI. Faut wow, le savoir. Bah, ah. Ça fait un voyage déjà. Waouh, c'est Alice au pays ouais, des merveilles. Ouais, alors, je suis déjà allé vomir trois fois. Hein, pour ma part, excusez-moi. Non, bah, je retiens mon souffle là parce que beaucoup d'émotions d'un seul coup. Enfin, peu importe. Alors, bon. L'objet de cette première chronique de l'autisme radical, c'est France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, cette association qui vient en aide hein, aux migrants clandestins, si possible musulmans, c'est en option, qui viennent s'installer chez vous, chez nous, dans notre pays. Voilà, c'est comme ça, c'est formidable. Mais France Terre d'Asile a trouvé une nouvelle catégorie de migrants, une catégorie de migrants, évidemment, comme vous l'avez compris, qui s'intitule les migrants LGBTI. Alors en fait, voici ce que dit cette association, très influente. Attention, il ne faut pas la prendre pour une petite association marginale. Hein. C'est une des plus grosses associations pro-migrants, la plus influente auprès du gouvernement, extrêmement forte. Face à l'augmentation des demandes d'asile liées au genre sexuel hein, et à l'orientation sexuelle au cours des dernières années. En comprendre les enjeux et former les agents étatiques et associatifs intervenant sur ces questions constitue des défis majeurs pour assurer la protection des droits et des personnes LGBTI. Alors, peut-être que vous n'étiez pas au courant, chers amis, mais en plus de toute la faune hein, qui échoue en France, notamment à Calais, maintenant, et sur pression de France Terre d'Asile, il y a une catégorie de migrants qui vient du tiers-monde qui a le droit aussi d'être éligible au séjour et à l'installation, puis ensuite à la naturalisation. Ce sont les migrants musulmans et autres, mais qui soudainement se découvriraient LGBTI. Donc en fait, ils ont changé de sexe dans le voyage. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais enfin bon, voilà. Alors, petite anecdote, enfin, qu'est-ce que ça vous émoustille ou quoi? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Alors là, c'est cette astuce qu'ils ont trouvée, parce qu'évidemment, ils vont tous maintenant se revendiquer gays. Si pour obtenir le passeport français, il faut juste faire un petit smack à son collègue, vous savez que là-bas, de toute façon, en Arabie Saoudite, ils se tiennent le petit doigt. Enfin, tous les smacks entre copains, c'est que le début là-bas. Hein, ça va souvent beaucoup plus loin, donc ça va pas trop les déranger. Puis c'est pas très étonnant, donc à mon avis les statistiques vont être gonflées parce que tout un tas de mecs vont faire semblant d'être gays et tout ça, mais c'est pas étonnant aussi qu'il y ait beaucoup de gays dans les nouveaux, les réfugiés et tout ça, puisque les pays qui fuient sont des pays où, homophobes, quoi, où il y a encore un peu comment dire, enfin, même pas qu'un peu, quoi. L'homosexualité est fortement réprimée. Donc, c'est pas étonnant qu'il y en ait beaucoup. Cela dit, les chiffres attends, vont attends, énormément gonfler maintenant qu'on sait qu'il y a une... Attends, cher ami. Fortement réprimé et fortement pratiqué. Faut le préciser. Voilà, les deux. Sûrement, oui, bah, l'un engendrant l'autre, d'ailleurs. C'est parce qu'elle est fortement pratiquée qu'elle est fortement réprimée. Alors, petite précision, hein, comme on l'a dit dans les premières émissions de notre podcast, hein, Démocratie participative, lorsqu'il s'agissait du tueur de la boîte homosexuelle d'Orlando, notamment donc en Afghanistan, dans le monde islamique, l'homosexuel, c'est celui qui se fait, voilà, qui se fait prendre. Hein. L'autre, voilà, c'est quelqu'un de pur de toute mauvaise intention. Voilà, exactement. Il est, voilà, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Hein. Il n'est pas, c'est quelqu'un d'hétérosexuel comme tout le monde. C'est un mal alpha. Ouais, exactement. C'est un mal alpha. Limite, c'est presque s'il ne serait pas reconnu, voilà, comme quelqu'un de vraiment respectable. C'est un signe de noblesse. Oui, un signe de noblesse. Bon, oui, effectivement, homosexualité assez répandue dans ces populations-là. Bon, là aussi, on nous propose l'intersex. Alors, on nous propose les lesbiens, les gays, les transsexuels et maintenant les intersexes. En fait, c'est le matin, comme il a dit, hein, comme tu l'as dit. C'est... Ouais, aujourd'hui. Ah là, puis ah, plutôt mec là maintenant. Ah, ouais, attends, là, il y a un petit nuage qui passe. Je me sens plus gonzesse. Impressionnant, cher ami, impressionnant. Bon, on passe à notre point numéro 2 de cette rubrique autisme radical. Alors bon. C'est une cliente qui se distingue régulièrement et qui s'appelle Clémentine Autain, communiste. Vous la connaissez, Clémentine ? Oui, la petite garçonnette. Elle a été violée par, par un métèque et elle est communiste. Elle tape sur les blancs toute à longueur de journée. Oui, la soumission. Mais attends, comment, elle s'est fait violer par un nègre ou par un bougnoul ? Je discrimine, bon, mais moi je. On va consulter un bouquinologue et il va nous dire ça. Elle a aimé ça en tout cas. Bah non, elle a pas aimé ça. Ah. Mais par contre, voilà, elle s'est fait violer par un métèque. Mais c'est la faute de. Des blancs. De la société patriarcale. Bah, elle a bien compris catholique et blanc. Elle a bien compris que les métèques se mettaient à violer, c'est qu'il y avait un blanc derrière qui l'avait traumatisé. C'est fascinant. C'est-à-dire. J'ai toujours l'impression, vous voyez, c'est comme. De prendre un petit sous-marin, vous voyez, d'exploration, et puis on descend à 3 km sous terre et on découvre des spécimens. Et c'est toujours intéressant. On apprend toujours quelque chose de l'humanité ou de la déshumanisation. En l'occurrence, c'est plutôt de la déshumanisation. Alors, Clémentine Autain, en plus, Clémentine, vous voyez, c'est le nom, en fait, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est le nom léger pour quelque chose de franchement glauque. Alors, voici ce qu'elle a dit. Là, ils sont. Ah oui. Ouais, enfin, elle est surtout très con. Alors, c'est vrai, dans son. C'est vrai, non, parce que Auten, tu vois, je veux dire, c'est des adjectifs que je réserverais un certain nombre. Mais elle, non. C'est elle, vrai, elle... c'est vrai. En fait, tu vois, c'est la brave fille qui veut bien faire, en fait, mais qui est juste au bord du suicide. Ouais, c'est donc... con, quoi. Non, il y a un truc un peu plus narcissique et destructeur chez cette femme. Enfin, peu importe. Voici ce qu'elle dit. Alors, bon. Je vous apprends rien. Nicolas Sarkozy a dit que, voilà, quiconque arrive en France, qui reçoit la nationalité française, est un descendant gaulois. Je sais très bien que parmi vous, vous êtes tous des fans de Nicolas Sarkozy en puissance et vous adhérez totalement à son propos. Elle réagit, voici ce qu'elle dit. Je cite, hein, sur Twitter. Sarkozy, elle l'interpelle, hein. Sarkozy, la génétique est formelle. L'européen de souche est un arabe noir. Excuse-moi, je l'avais pas vu, j'étais un petit peu rentré l'actualité. Je peux pas tout voir. Ah, je suis bien. Ouf. Ah bah rien que pour ça, moi je suis content qu'elle existe, parce que dire un truc comme ça, là, il y a... Non mais vos gueules, parce que vous êtes, on s'en fout, vous êtes réactionnaires et des fascistes. Et... Enfin non, en plus vous êtes nazis. Non, on s'en branle de ce que vous dites. Non, alors voilà, moi je vous donne l'articulation intellectuelle et scientifique du propos. Alors, ça se base, son propos, sur un article du Point qui dit la chose suivante. Nous sommes tous des Arabes. Ouais, bien sûr. Bon, hein, bon. Bah, ça se C'est voit. écrit par un certain. Bah oui. C'est écrit par un certain Frédéric Lewineau. Bon, ou Lévin. Bon, pour ceux qui. Voilà, hein. Je vous invite à vous référer. Voilà. Bon. Frédéric Lewineau, Google, image, ça vous aidera beaucoup. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Bon, peu importe. Il est très. D'ailleurs, il n'a pas la cote, hein, avec. Enfin, avec certaines personnes. Alors, cet article est cinglant. Cinglant. Puisqu'il insiste et il dit, voilà, nous sommes tous des Arabes. Pourquoi? Parce que nous avons découvert, et la presse est, enfin, la presse scientifique est, comment dirais-je, absolument claire Unanime. là-dessus. Oui, unanime et claire, c'est-à-dire qu'il y a un foyer de peuplement dans la péninsule arabique, de l'Homo sapiens qui date de 106 000 ans. Donc, Homo sapiens, péninsule arabique, 106 000 ans, sachant que avant cela, il y avait déjà l'Homo sapiens dans d'autres régions. Alors, je vous propose sa conclusion, et ensuite on va discuter un petit peu plus scientifiquement sur le topo. Conclusion de Monsieur Lévin de cet article qui dit que nous sommes tous des Arabes. Parce qu'il y a 106 000 ans, l'Homo sapiens avait établi deux ou trois campements du côté de la péninsule arabique. Depuis sa venue au monde, dans un petit bled africain, l'homme n'a cessé d'avoir la bougeotte. Les migrations font partie de sa nature. L'Europe, et encore plus la France, située à son extrémité ouest, n'ont pas arrêté d'être enrichies par des vagues d'immigration. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, à en croire Monsieur Lévin, on se fait enrichir puissance 1000 par des nègres. Alors, comment dire? Moi, j'ai envie de poser le débat un petit peu en question, enfin, au niveau scientifique, parce que on nous dit, voilà, en fait, on change un petit peu tout, hein, parce que, enfin, on mélange un peu tout. On nous dit, premièrement, on est des Arabes, et ensuite, on est des Noirs. Bon. Commençons par le début. Comment dirais-je, sur la question de l'homme moderne, l'homo sapiens. Alors on nous dit l'homo sapiens en 106 000 avant Jésus-Christ se retrouve dans la péninsule arabique. Et voilà, ça fait autorité. De là, se sont diffusées, enfin, ensuite se sont diffusées les différentes peuplades qui en ont résulté. Sauf que, nous avons des preuves archéologiques qui datent de 2015. Qui atteste que on a des traces de l'homme moderne, de l'Homo sapiens, comme on l'appelle, en Chine, dès 80 000 à 120 000 ans, donc dans cet intervalle, Ouais, 80 000, je crois que 120 000 c'est ans. l'homo, enfin c'est enfin les traces de l'homme en Chine, c'est l'homo erectus, il me semble. Non, enfin, il y a différents types d'hommes, mais celui dont je parle, c'est l'homme moderne. L'homme moderne, on a des traces de lui en Chine dès L'homo moins. sapiens, mais enfin en Chine en tout cas, je sais que celui-là a eu déjà des traces d'hommes primitifs Ah oui, bien sûr, bien et sûr, bien que sûr. d'homo erectus et que eux, les Chinois, se définissent comme à part, hein. Absolument, Ne absolument. se Mais enfin définissent pas bon, comme disons que faisant même partie de oui. l'humanité une et indivisible. Alors, donc comment dire, quand monsieur, alors c'est très intéressant, enfin cette histoire, parce que il faut pas sous-estimer le rôle pervers et subversif de cette narration qui est imposée aux gens. Vous savez, on vient tous d'Afrique, machin, et qui a été servi dans le point, à la faveur de cet article de Lévinot. Hein. En fait, on dit en substance, voilà, l'homme a transité il y a 5 000 ans dans la péninsule arabique, voilà, on est tous des Arabes. Attendez, il y a une inversion totale au plan temporel, au plan chronologique. Si on appelle la péninsule arabique la péninsule arabique, c'est à rebours. C'est parce qu'il y a des populations arabes qui habitent cette zone. Mais il y a 100 000 ans, il n'y avait aucune population arabe. Et on voit bien la manipulation, puisqu'on est en train de dire, par extension, que toutes les populations qui auraient traversé une zone qui n'était pas arabe il y a 100 000 ans, seraient devenues arabes par la magie du verbe, en quelque sorte. C'est Tu complètement délirant. es en train de dire que si demain je prends un vol pour Kinshasa, je suis un Congolais. Voilà, c'est formidablement bien résumé. Et c'est ce qu'il raconte, les cons. Hein. Mais le premier, il le martèle en plus avec autorité. Le journal Le Point, je veux dire, c'est pas une feuille de chou du NPA, quoi. Il martèle ça avec force. Et ensuite, voilà, l'histoire des Noirs. Clémentine Autain dit bien, nous sommes tous des Arabes noirs. Parce que voilà, il y a je ne sais pas combien de temps on est passé par là, on est passé par-ci. Alors, pour préciser, hein, donc il y a entre 80 000 et 120 000 ans, il y a déjà des Homo sapiens en Chine, donc il n'y a aucun fait qui est définitif sur la question des migrations et autres. Et ensuite, parce que l'homme moderne est arrivé officiellement est arrivé en Europe il y a moins de 40 000 ans. Donc en fait, il serait allé d'abord en Asie il y a moins 100 000 ans avant de venir en Europe il y a moins de 40 000 ans. Excusez-moi, vous regardez une carte, hein, la distance entre le nord de l'Afrique et l'Europe du Nord, voilà, c'est un petit peu plus proche que la Non, Chine. de toute Bon, manière, voilà, et c'est très on marche simple. tous, C'est très. à Non. 5 km heure par heure, voilà, bon, voilà. Oui, non, mais c'est très simple. Tu regardes la gueule des Indiens qui ont des traits, enfin, bon, pour les meilleurs d'entre eux, assez fins, qui ont la peau, effectivement, qui est très foncée. On parlait la dernière fois de Kléber Haroun, le préfet, là, préfet de la grande ventilation, hein, Il a la de. couleur du bronze, lui, il est Oui, bronze, lui. non, oui, mais tiens, il est très foncé, mais il a le trait fin, tu vois, les yeux, la bouche, le nez, tu vois, si tu le mets en, ouais, si tu l'éclaircis, si tu veux, il a une gueule d'Européen. Ah, j'irai pas jusque-là, j'irai pas jusque-là, Ah ben, mais comme il y a beaucoup je d'Indiens, comprends l'idée. mais non, Non, tu mais. comprends l'idée. Tu prends le nègre d'Angola, tu as beau le mettre en blanc, il en reste pas moins que le type. Il a des narines qui ressemblent à des lunettes de soleil, quoi, tu vois. Donc C'est voilà, simple, c'est pas la même chose. au niveau de la distance génétique, puisque aujourd'hui, avec la patrilinéarité, les tests de patrilinéarité assez précis, toutes ces études, toute la génétique qui est en pleine explosion depuis 20 ou 30 ans, on peut voir, en gros, quand est-ce qu'on a quelqu'un en commun? Bah, entre nous et les Asiatiques, il y a 20 000 ans de distance génétique. Entre nous et les Noirs, il y a 120 000 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en commun entre nous et un Noir depuis 120 000 ans. Si, alors Exactement. moi je ne suis pas spécialiste de la question, hein, mais Non, chez les on va pouvoir y auditeurs, revenir. On va ils peuvent me reprendre si je me trompe, hein. pouvoir y revenir. Ça... Ouais, vas-y, Fulbert. Non, je voulais simplement dire qu'à mon avis, il y avait toujours 120 000 ans d'espace pour le moment. Ah bah Oui, oui. effectivement, c'est mon sentiment aussi. Alors, simplement, est-ce qu'il y a la question de la couleur de peau? Je cite une revue d'extrême gauche citée par Clémentine Autain. Il y a plus déprimant encore pour notre droite en identité. Une étude présentée lors de la réunion annuelle des anthropologistes américains du 26 mars 2015 a montré que l'homme blanc n'existe en Europe que depuis quelques millénaires. Alors, vous voyez, quand c'est formulé comme ça, vous vous dites, l'homme blanc existe depuis quelques millénaires? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Non, mais Quand vous, déjà que quand, depuis quelques attends. millénaires. Il faut creuser. Et quand vous, en fait, vous découvrez quoi? Non, c'est pas l'homme blanc. C'est l'homme, il y a une nuance entre l'homme blanc et l'homme européen. Premier point. Donc eux s'arrêtent aux côtés de la pigmentation. Et ils disent, voilà, l'homme blanc, ça existe que depuis quelques... Non. La peau blanche, autant que les recherches le disent, existe depuis 8 000 ans. Bon, c'est pas non plus c'est pas insignifiant. Ils en ont retrouvé des traces jusqu'à 8 000 ans. Il y en a peut-être avant. Ils ont trouvé jusqu'à 8 000 ans. Bon. Mais comme ils le disent et comme tous les scientifiques le disent, la question de la couleur de peau est une question parmi d'autres. C'est-à-dire que la race européenne, la race caucasoïde, comme on l'appelle, est définie par beaucoup d'autres critères. Beaucoup d'autres critères qui ne se limitent pas du tout à la couleur de peau. Et en fait, on fait croire, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils reprennent les critères, du 19e siècle, des premiers, je veux dire, des premiers anthropologistes, en quelque sorte, qui étaient européens, en disant, voilà, bon, ouais, si vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas un homme européen. C'est une connerie. Si vous vous intéressez à cette matière-là, les anthropologues vont vous dire, la peau et la couleur de la peau est un critère parmi de nombreux autres, pour définir la question de ce qui constitue l'homme européen. Non, Et mais le bien premier homme entendu. Non, européen... Non, attends, je maintenant, on relance n'en un parle moment. plus. On n'en parle plus. Mais voilà, la race négroïde, la race congoïde, en tout cas, voilà, on va le placer sous ce groupe-là. La description était vraiment. faite de manière exhaustive, quoi. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la peau, de la forme du visage. C'est très compliqué cette affaire. En fait, c'est pas que la couleur de peau. J'en parlais tout à l'heure avec les Indiens et les nègres albinos. C'est une affaire qui est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, sur l'homme moderne et surtout les types d'hommes, c'est une affaire extrêmement complexe et il n'y a rien de définitif. Premier point. Quand il en vient de la race européenne, caucasoïde, les premiers éléments à disposition des scientifiques remontent à 37 000 ans à côté de Voronezh, dans le sud de la Russie. C'est là où on a le premier type européen qui a une similarité avec nous. On a les mêmes traits, en quelque sorte. Après, la couleur de peau est quelque chose, le phénotype est quelque chose de très différent, mais on a les mêmes traits, c'est-à-dire la même structure, au niveau des os, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a 40 000 ans, on avait des ancêtres déjà dans le sud de la Russie, donc en Europe. Et on nous explique que les premiers homo sapiens, les premiers hommes modernes, notez-le bien, les premiers hommes modernes qui ont mis le pied en Europe, à ce que l'on sache, c'est il y a 43 000 ans. Donc il y a 43 000 ans, les premiers hommes modernes sont dans l'Europe continentale, et le premier type d'Européen comme race, c'est moins 37 000 ans dans le sud de la Russie. Donc c'est une histoire qui n'est pas encore bien définie, et la question de la peau est tout à fait marginale. Et ce que je veux dire là-dedans, et c'est là-dessus qu'ils jouent, c'est sur le syllogisme. C'est-à-dire qu'ils disent tous les nègres sont noirs. Il y a 10 000 ans, vos ancêtres étaient noirs. Donc tous les hommes sont des nègres. Ça, c'est la logique des communistes, dont Clémentine Autain est une militante. Donc c'est une façon, si vous voulez, de déformer la réalité, qui n'a rien à voir avec la réalité scientifique, une façon de la déformer, pour ensuite faire avaler la question de l'immigration de masse, et c'est là-dessus que se retrouve Clémentine Autain. Donc en fait, sous un verbiage pseudo-critique de l'anthropologie, se retrouve en réalité une apologie de l'immigration de masse, quoi. Mais en fait, ça tire pas du tout la route 5 minutes. C'est ni au plan de la couleur de peau, ni au plan de l'origine raciale des populations européennes. Il n'y a rien qui tient la route dans ce qu'ils racontent. Mais c'est fascinant, mais ils bourrent le mou aux gens. Et vous savez, ils arrivent avec beaucoup d'assurance en disant, voilà, moi je peux vous dire qu'il s'est passé ça à telle date, regardez les scientifiques, etc. On était tous noirs, noirs de peau, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, noir de peau, à quel degré, etc. Bon, bref, vous avez compris. L'escroquerie totale, quoi. Non, mais j'en reviens, excuse-moi, Gandalf, une de mes maraudes habituelles, c'est-à-dire le principe de responsabilité par rapport aux positions que tu prends. Clémentine Autain a été violée par des métèques. Des nègres ? Ouais, des nègres, des boucas, que j'en sais rien. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est un fait. Elle est engagée dans le Parti communiste pour le vivre ensemble et compagnie, toute cette chiasse. Hein. Attends, je me permets de t'interrompre. Et contre les pressions patriarcales. Non, mais je mets de l'eau à ton moulin. Vas-y. Pas plus tard qu'il y a deux jours, elle militait encore à côté de sans-papiers qui venaient de l'Afrique noire à Paris. Voilà, c'était très beau à voir. Voilà. D'accord, non, mais bon, très bien. Mais il faut, enfin, voilà, elle s'est faite violer par des métèques. Surtout, chers amis, ne la plaignez pas, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Là, Derek, t'appliques la pleine responsabilité pour une femme. Or, c'est déjà une vision un peu moderne, c'est-à-dire que normalement la société devrait exercer une telle pression sur la femme qu'elle n'a pas la liberté pour exprimer toute sa folie, parce que la femme est une folle en gestation. Déjà, elle a des cheveux courts, ça va pas, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, dans un effort d'une grande, elle est tellement dans sa folie, dans son altruisme pathologique, elle veut combler 100 000 ans de différence de développement par un accouplement systématique avec les nègres. Bon, c'est ça qu'elle est en train de nous expliquer. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je pense qu'en fait, exactement comme Astérix, c'est ce genre de femmes, probablement d'hommes aussi, de femmes, doivent être tenus sous surveillance psychiatrique. Ce sont des problèmes. On parle de cas psychiatriques là. Alors, excusez-moi, mais tu tiens sous surveillance quelque chose qui a de la valeur. Clémentine Autain. Biologiquement, oui. Non, mais d'accord. Mais Clémentine Autain et toutes les autres, on va en parler peut-être plus tard, hein, qui se font tringler par la raclure de l'humanité qui vient du Moyen-Orient et de l'Afrique. Pour moi, ça n'est pas quelque chose de valorisant, ce n'est pas quelque chose à valoriser, c'est quelque chose, au contraire, à mettre à la poubelle. Donc, il n'y a pas à protéger ça, il faut, au contraire, au plus vite, mettre à la poubelle. Voilà. Non, mais évidemment, mais... Attends. Derrick, j'entends ton appel. Et là, je pense que... Le président Vladimir Poutine, qui est quelqu'un qui a un grand cœur et qui a surtout un esprit très affûté, comprendrait une demande pour l'ouverture d'une ligne de train pour un certain nombre de problèmes, de cas sociaux, qui auraient besoin en quelque sorte de voyage de rééducation en Sibérie. Et je suis convaincu que Clémentine Autain est quelqu'un qui peut être éligible pour ce genre de voyage. D'ailleurs, enfin, voyage certaines personnalités politiques, hein, il y a 70 ans, avaient tenté de mettre en place ce type de transport pour des rééducations. Bon, ils ont été mal compris par l'histoire. Ça va pas choquer Clémentine Autain, puisqu'elle est au Parti communiste, et que somme toute, le Parti communiste est toujours... Je trouve ça toujours très naturel d'envoyer des gens en Sibérie, donc peut-être que Clémentine Autain se réjouira aussi de son sort futur, qui sait, hein, après tout. De toute façon, non, mais le pire dans tout ça, c'est que moi, je l'ai vu sur 2-3 émissions de radio, et effectivement, tout à l'heure, quand je disais Clémentine Autain, je pouvais pas taper plus à côté, parce qu'elle a vraiment l'air d'une brave fille, quoi. Et c'est tristement psychiatrique. Ce n'est pas un critère. Ce à quoi on assiste. Ce n'est pas un critère. Et être gentil, ce n'est pas un critère. Ah oui, hein, je sais. Quand on est fou, c'est une folle. Je m'excuse d'insister, mais tu n'as pas l'air d'être une brave fille quand tu as des cheveux courts comme ça. Voilà, désolé. Ah, c'est pas faux. Alors bon, rubrique numéro 2, et ensuite ce sera la pause. La chialerie communautaire de la semaine. Alors là, les gars, je vous ai gâtés, hein, parce que c'est quelqu'un qui nous hante, malheureusement. C'est quelqu'un qui est là, sans être là. C'est Diams. Diams, l'ancienne rappeuse qui faisait d'ailleurs un carton dans les banlieues de toutes les grandes agglomérations françaises. Hein. C'est quelqu'un d'origine chypriote. Je sais pas bien ce que ça veut dire chypriote, d'ailleurs, parce que c'est un petit peu trop... Excuse-moi, tu as... Qui ça? Diams. Ah, tu... Je pensais, au vu de sa tête, qu'elle était... portugaise, excuse-moi. C'est vrai qu'elle avait une gueule un petit peu t'es gentil, hein. Non, t'es gentil. C'est on élève le niveau hein, cette semaine. Hein. Bravo. Oh, vas-y. Il se plaint, Porovic. Bah, vous choisissez, en tout cas, entre l'origine portugaise ou chypriote de Diams. En tout cas, elle vient pas de Suède, c'est certain. Enfin, autant vu ce que ça donne la Suède, c'est pas très tentant. Alors, voici ce qu'elle déclare, notre cher ami. Diams prône la tolérance envers le voile et le burkini. Je cite l'article du Figaro, Le Figaro, hein, s'il vous plaît. La période estivale a été particulièrement mouvementée pour les femmes voilées françaises. Voilà. La polémique du burkini a enflammé l'espace médiatique français durant une grande partie de l'été. Aux grandes dames de Diams. Dès la fin du mois d'août, Mélanie Giorgades, à l'état civil, avait publié un extrait de son livre, Diams Autobiographie, dans lequel elle raconte comment il lui arrive d'être apostrophé dans la rue à cause de son voile. Là, je cite les gens qui l'apostrophent. Une femme qui passait par là a crié fort, assez fort pour que je l'entende, « Belphégor, rentre dans ton pays !» À chaque fois qu'on prononce cette phrase au sujet du voile, je me questionne. Que signifie s'habiller comme les Français? Écoutez bien, hein. Que signifie s'habiller comme les Français? Est-ce mettre le béret et les bretelles? que cela veut-il dire dans la France d'aujourd'hui? Non, mais notez bien, hein, je veux dire. Non, mais la France. Voilà, simplement, voilà, vous avez une chypriote convertie à l'islam qui se couvre d'une bâche qui vous dit, voilà, qui vous interroge en plus, elle vous alpague, elle vous dit, qu'est-ce que ça veut dire que s'habiller en français dans la France d'aujourd'hui? Ça, c'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses. Dans un post très récent, elle cite, je cite toujours le Figaro, hein, elle cite le Coran avec un extrait de la sourate sur le pèlerinage afin de prôner la tolérance envers le voile islamique, bien évidemment. Non, mais c'est extraordinaire. La rappeuse française, bah tiens, qui s'est convertie à l'islam en 2008, a arrêté sa carrière deux ans plus tard, après la commercialisation de son dernier album SOS, tu m'étonnes, depuis la jeune SOS femme... SOS racisme. Non, Depuis, la jeune femme se consacre principalement à son association en faveur des enfants défavorisés africains, Big Up Project. Ah putain, ça s'invente pas. Oh là là. Mais elle avait très très mal commencé. Alors, si je me rappelle bien, pour avoir écouté du rap entre 13 et 15 ans, si je me rappelle bien, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait la Mafia Tressée. Donc elle avait déjà, très très très jeune, elle avait déjà choisi son camp, la Mafia Tressée. Bon là, maintenant, elle s'est islamisée. Alors ça l'a fait se prendre un peu de recul sur son milieu du rap, tout ça. Bon, là, elle a monté une petite association Big Up. Donc manifestement, elle a réussi à opérer la synthèse entre sa Diams la rappeuse et Diams la musulmane, quoi. Elle a l'air d'être bien dans sa peau, ça y est. On a une femme accomplie face à nous. Alors, moi, j'ai envie de répondre à Belphégor. Si elle a envie de s'appuyer sur le Coran pour dire qu'il faut être plus tolérant avec les musulmans, moi j'ai envie de te répondre, si on s'appuie sur le Coran par rapport à la tolérance, nous on vous met un statut de dhimmi, donc de sous-citoyen, on vous interdit quasiment de pratiquer votre religion à la mode islamique, hein, parce que dans les pays musulmans, c'est comme ça pour les chrétiens. Et puis ensuite, bah, tu vas te faire enculer, quoi. Moi, je suis quand même étonné que... comment ça s'appelle? Diams, hein, c'est ça C'est ça, son nom de scène. Je suis étonné qu'elle ne se soit pas présentée à Miss Tade Grèce 2016, Miss France Tade Grèce. Parce que il y a des gens. Hein. Ouais, c'est un mauvais jeu de mots, t'as de graisse, c'est ça? Oui, non, non. C'est mais... en allusion à son pays, c'est existe, encore de la discrimination. Existe, non, c'est parce qu'il y a en France un concours Miss Tade Grèce France. D'ailleurs, qui a été remporté par une espèce de négresse des Antilles établie en Bretagne, n'est-ce pas? Et voilà, on les appelle les négras. Bah l'avant-poste de la civilisation. Voilà, exactement. La Bretagne, avant-poste de la civilisation, avec ces nègres qui font du biniou et puis qui remportent des concours de beauté huileux. Je me balade. Attends. Je tiens à clarifier tout de suite. Je me balade dans la rue avec un tas de sang sur la gueule. Merci de le rappeler. Oui. Avec un coup quoi, hein? Non, un tas voilà. De cendres. Oui. Comme les Romains. Non mais voilà, elle aurait pu se présenter. Moi, je suis assez déçu, quoi, qu'elle n'ait pas participé à ce concours de laideur, hein, parce que effectivement, ouais, depuis qu'elle a mis le voile, bon, on comprend pourquoi elle l'a mis. Hein, elle était assez mince, relativement mince, hein, on va dire. C'est pas assez. Elle était déjà un petit peu grassouillette, mais depuis qu'elle s'est voilée la face. Bigre, qu'est-ce que ça nous a rendu service, hein. Elle nous a rendu service. Attends, oui, écoute, oui. Moi, je vais vous donner ma tranche de gras, ma tranche de porc. Déjà, moi, j'ai envie de dire, Chypre, c'est quand même l'Europe. Vous allez me dire, il s'est passé beaucoup de choses à Chypre. C'est quand même la Turquie, hein. Non, attendez. Bon, c'est moitié Europe, moitié Turquie, hein. Faut le savoir, hein, Chypre. Oui, mais depuis l'invasion des kebabs, mais bon, c'est pas tellement de la faute des locaux, quoi. C'est pas de la faute de l'Europe, c'est ces putains de kebabs ont commencé à envahir la Chypre, quoi. Ouais, bon. Alors, cette immonde Diams qui a trahi sa propre race et sa propre religion a décidé de rejoindre le camp de l'ennemi. Bon, rien d'étonnant, quelque part. Et donc, elle s'habille maintenant en Belphégor, effectivement, en espèce de gros voile où elle bouge. Alors déjà qu'elle est grosse à la base, hein, malheureusement. Bon, un régime méditerranéen en biche. Elle m'en voulait pas trop, si je le dis, mais c'est quand même un peu vrai. Hop, et donc... hop, excuse-moi, c'est ouais, pas un régime méditerranéen. Hein, voilà, excuse-moi, voilà. Le régime méditerranéen, le régime crétois, ça n'est pas de bouffer des loukoums toute la journée. Voilà. C'est, non, bah, c'est tellement pas, vrai... C'est tellement vrai ce que dit Derek que le régime crétois et on en parle énormément chez les elle nutritionnistes, crête, ça serait un des meilleurs à l'image du régime d'Okinawa, ce serait un des meilleurs modes d'alimentation au monde. Oui, non, mais voilà, voilà elle n'est pas en Crète, elle est en Chypre, ok, mais elle est à Chypre, elle est grosse. Elle est de Chypre, mais elle a adopté le boukakisme mental et nutritionnel. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec ses origines. C'est une bougnoule mentale et qui a accepté tout l'attirail, tout le bagage culturel religieux. Ouais, ben c'est pire que ça, parce qu'elle est dans la chialerie, quoi. Je veux dire, plutôt que de faire le concours de Miss Grotta, elle fait concours à la pleurniche. Enfin, c'est insupportable de voir ces gens. Ah oui, dans la rue, on m'appelle Belphégor. Mais attends, mais en France, ils sont traités comment, les Français? Hein? Dans les quartiers où ils sont majoritaires? Mais ils rasent les murs pour pas se prendre des coups de couteau. Mais l'autre, elle est là en train de chialer. Mais putain! Oh. Bah c'est, non, mais ça c'est la chialerie. C'est marrant. Parce qu'il y a une espèce de. Le comportement communautaire des Maghrébins, des Orientaux et des Noirs déteint sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est intéressant avec cette femme-là, c'est que c'est une femme qui absorbe tous les comportements sociaux, tous les traits culturels de sa communauté, je veux dire, d'adoption, et elle commence à pleurer, voilà, on est stigmatisé, on est machin, et en plus on nous demande, tu vois, on nous demande de capituler en disant voilà, c'est quand même scandaleux, vous acceptez pas ceci ou cela, etc. Non, franchement, c'est bon quoi, t'es quand même, restons soft. Mais disons que quand même le comportement de cet énorme tas de graisse est scandaleux. Oh, mais c'est insupportable de s'en référer au Coran pour parler de tolérance entre communautés. je suis pas anti-musulman. Contrairement à d'autres ici, je suis pas anti-islam. Mais faut quand même pas trop pousser le bouchon trop loin dans la connerie et dans l'inversion quoi. Non, le Coran, l'islam n'est pas un modèle de tolérance envers les communautés. Faut arrêter. Si tu cites le Coran, c'est que tu le partages. Déjà, c'est débile. Pas forcément. Non, mais tu peux apprécier certaines choses, apprécier en tout cas, évaluer certaines choses de manière positive au niveau du Coran, en te disant, tiens, ça discrimine par-ci par-là, donc ça, c'est pas trop mal de ce côté-là, tu vois. Mais non, eux, c'est le contraire. Il t'emmène sur le domaine de la tolérance, etc., en te parlant du Coran. C'est une blague. Ouais, c'est une inversion en plus. Ça. Non, mais ce que je voulais dire, Coran, simplement... Vas-y, Fulbert. Le Coran est tout sauf tolérant, hein, il faut bien comprendre ça. Je suggère d'ailleurs que dans une prochaine émission, on développe un peu le sujet. Et c'est d'ailleurs, là j'exprime un point de vue personnel, mais c'est d'ailleurs son seul intérêt, c'est-à-dire ce qui moi, le peu que je me suis intéressé à l'islam, ce qui m'a intéressé, c'est que justement c'est fasciste, c'est-à-dire c'est l'islam, ça, il n'y a pas de tortillage de cul, les choses sont assez claires à tous les niveaux, quoi, dans l'organisation sociale. L'islam, c'est libéral, c'est pour ça que Diam se fout une bâche sur la gueule. En plus, je vous demanderai de cesser de traiter de fasciste tout ce qui ne l'est pas, parce que le fascisme est hautement respectable à mes yeux. Et c'est très bien. C'est surtout que ça n'a rien à voir. Enfin, on ne va pas comparer les pouilleux du tiers-monde qui nous viennent du Moyen-Âge avec le fascisme qui est hautement moderne. Oui, bien sûr. Non, mais la définition, vous savez, quand on dit facho en tant comme adjectif, la définition acceptée par nos compatriotes modernes, c'est en gros autoritaire. Et moi, Non, mais je crois même que c'est même plus d'accord. le peu que je trouve intéressant dans l'islam, c'est son côté autoritaire, Non, mais je suis même plus quant aux d'accord. Là, enfants, je quant aux m'oppose. femmes, quant à toutes ces choses-là, quant aux délinquants. Voilà, toutes ces choses sont intéressantes dans l'islam. Et eux, c'est ce que disait Porovitch, ils viennent essayer de nous vendre l'islam en nous le vendant pour son aspect tolérant, qui déjà est inexistant, mais qui en plus ça présente aucun intérêt dans une société de toute façon où on tolère déjà tout, quoi. Si. Mais parce... Moi, je pense que c'est pas ce qui est combattu, c'est pas le côté autoritaire du fascisme, même le fascisme. Je pense que ce qui est combattu, c'est l'autorité tout court. Non, moi c'est Et enfin, que... moi c'est pas ça qui me gêne, hein. Moi c'est vraiment leur gueule, ouais, leur gueule Ah déformée, oui, eux, ah oui, bah les oui. mamas, les mamas voilées, moi ça avec leur gueule d'iguane, ça me dérange. En tout cas, chers amis, le moment est venu de faire une pause musicale et croyez-moi bien, cette pause musicale va être optimement condensée Ah, c'est et possible, hein. Ah oui, il y a une connivence, il y a une connivence là. Bon, bonne pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour un débat. D'ailleurs, ainsi est très très politiquement, bon, correct. On est politiquement correct nous autres, hein, Un globalement. débat très ouvert. Ouvert, ouvert à toutes les opinions, sauf celles qu'on n'aime pas. Voudrais bien m'appeler Jonathan, que mon nom sonne comme un nom d'oiseau. Si dans mon cœur les fleurs se fanent, c'est parce que le bon Dieu a tout faux. Pourrait avoir les yeux plus clairs et les cheveux. Seulement moi je ressemble à mon père, et ça plaît, c'est mon histoire. Je suis un petit beurre, mais sois tranquille, je viendrai pas voler ton argent. Rappelle tes chiens, ouvre tes grilles, tu vois bien que je suis qu'un enfant. Je suis un petit beurre, comme disent les autres, ça peut pas. Moi, ça ressemble à un placard. C'est vrai que je suis jamais allée dans ces pays pleins de lumière, où il y a partout des orangers, où il fait chaud, même en hiver. Je suis un petit beurre, mais sois tranquille, je viendrai pas. vais commencer tout de suite, d'ailleurs, parce qu'il y a deux sujets qui vont nous intéresser. Premier sujet sur donc le féminisme et l'antiracisme, à la lumière évidemment de l'actualité. Deuxième partie de notre seconde partie d'émission qui va concerner donc la question, j'allais dire, de la natalité et de la composition ethnique de cette natalité en France. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Mais enfin, on va se focaliser sur cette question précise de la, du rapport entre le féminisme et l'antiracisme. Pourquoi ? Alors pourquoi et surtout à quelle occasion ? Eh bien, si vous avez suivi ça d'un petit peu plus près sur les réseaux sociaux, une affaire, un fait divers a surgi. Un fait divers comme il en existe beaucoup malheureusement en France et en Europe. Les incidents de Cologne d'ailleurs sont là pour le rappeler. Et c'est l'histoire assez banale malheureusement d'une femme occidentale, française, une femme blanche, agressée par des bandes ethniques, des bandes halogènes, des bandes d'Africains, des bandes de Maghrébins. Agressée, mais pas uniquement, puisqu'elle a été violentée, elle a eu le poignet cassé et malheureusement aussi le visage tuméfié. Alors, pourquoi je me suis dit que c'était nécessaire d'en parler ? C'est parce que nous avons là, j'allais dire, un nœud psychologie collective, dans le rapport que les femmes peuvent entretenir avec l'immigration au quotidien et aussi les résultats de cette immigration. On voit souvent qu'on a des féministes très militantes qui identifient leur lutte en tant que minorité, donc que minorité c'est féministe, identifient leur lutte à celle des minorités immigrées, africaines, musulmanes et autres, et on aura l'occasion d'en reparler, et donc prennent fait et cause pour cette immigration. Sauf que, au quotidien, les choses se passent un petit peu différemment entre l'agente féminine et nos amis du tiers-monde africain et musulman. Et sur ces réseaux sociaux, cette histoire est venue. Histoire de Prisca Beau, c'est son nom, hein. Une jeune femme, de 37 ans. Je ne veux pas dire que à 37 ans, une femme est âgée. Ce serait stupide que de le dire. Tu veux dire une femme, vieille putain nègre ? Voilà. Non, certainement pas. Non, c'est une. Non, en plus, c'est une femme assez jolie. Et elle nous fait le récit pas plus tard qu'hier vendredi 24 septembre. Elle nous dit la chose suivante. Alors, ça va être un petit peu long, c'est une introduction, mais nos auditeurs doivent bien comprendre que à l'écoute de ce qui va suivre, ils vont se reconnaître, j'en suis sûr, dans les faits. Alors, je lis. Mardi soir, 23h30, quartier Saint-Michel à Toulouse. Je reviens d'un chouette concert, la vie est belle, je vais m'acheter du chocolat pour fêter ça. Je sors de l'épicerie de nuit, je suis seul dans la rue. Trois hommes m'interpellent par des « bonsoir princesse, bonsoir Bella ». Donc vous imaginez, hein. « Ah, bonsoir princesse, bonsoir Bella !» et autres du genre. J'ignore, visiblement ça les agace. Alors l'un d'entre eux lance une attaque sur mon physique. Je me retourne et reviens les voir en leur demandant sèchement de répéter. Ils me disent « Vas-y, on te dit « Bonsoir princesse, tu réponds pas, c'est bon quoi, tu réponds même pas, c'est scandaleux. » Je leur explique, droit dans les yeux, que je cite la personne, « je m'en branle et que je n'ai aucune obligation à leur répondre. » Et qu'en plus, ils sont 10 ou 15 clampins à m'interpeller de cette manière chaque jour et que je n'en peux tout simplement plus. Celui qui est près de moi me lance alors un « ferme ta gueule » en crachant. Je lui renvoie alors « non, toi, ferme bien ta gueule » en lui crachant dessus. C'est assez rare à relever, la femme lui crache dessus. Et là, le mec me met un énorme coup au visage, je me cogne brutalement contre une rambarde en fer et m'écroule par terre, la joue rouge et enflée et la lèvre ouverte, le poignet complètement pété. Hôpital. On m'annonce que les os sont déplacés, le poignet cassé et que je dois être opéré d'urgence. On m'ouvre et on me met une plaque en fer. J'y reste 2 jours. Je suis salement amoché. 3 mois de convalescence en prévision, rééducation, etc. Avant, après, crise de nerfs et de larmes à m'envider le corps. Deux jours que je chiale ma race, je cite, hein, que je chiale de cette énième agression, humiliation, parce que je suis tout simplement une femme. Alors là, en majuscule, le mot femme. Alors voilà, j'ai bientôt 37 ans, ça va faire maintenant presque 25 ans que je subis ces saloperies en tout genre. Agression verbale, humiliation multiple, harcèlement sexuel, moral, de rue ou au travail, violence physique, viol, et j'en passe. Je suis à bout, la colère, la rage, je l'ai. Je vis avec, au quotidien. Mais je montre d'un cran à chaque nouvelle épreuve de ce style. Mon sang bout de plus en plus. J'en ressors une nouvelle fois traumatisé, vidé, je reste debout, mais je maudis ce système patriarcal. Je le vomis de toute mon âme. Néanmoins, je reste fier d'être une femme. Et notre combat continuera tant qu'il le faudra. La peur doit changer de camp. Bon, excusez-moi, ça a été un peu long. C'est lourd, mais voilà. Ah, c'est une agression qui a eu lieu hier. Ça a été partagé des milliers de fois sur Facebook, donc ça résonne dans la population. La nénette nous sort son truc, vous l'avez compris. Alors déjà, juste à chaud, voilà, le témoignage, ça vous donne. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Juste à chaud, hein. Ben à chaud, déjà, conne, quoi. La pauvre connasse, quoi. C'est-à-dire que moi, je vois une fille qui a dû voir quelques beurettes répondre à des racailles comme ça et qui ne comprend rien, en fait, à ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire, elle ne comprend pas que ces populations ont tout un code communautaire qui n'est pas le code de la République. Ils ont tout un règlement intracommunautaire qui fait qu'effectivement une beurette va pouvoir à un moment donné, selon la puissance de ses frangins, selon tout ça, elle va pouvoir cracher à la gueule d'un beurre qui lui mate le cul ou qui l'agresse ou je ne sais quoi. Mais une petite blanche, consciente des réalités de la France en 2016, jamais ne devrait se payer le courage de faire un tel acte sans prendre que les conséquences peuvent être. Parce que là, elle a eu de la chance, la jeune petite. Enfin, la jeune, non, elle a 37 ans quand même, elle est plus toute jeune. C'est ça qui me fait dire que malheureusement, cet énième événement, selon ses dires, hein, ne va rien changer à sa vision du monde. Elle continuera à croire que c'est l'homme, sans avoir vu que tous ses agresseurs avaient la même provenance ethnique. Quoi. C'est catastrophique. Donc tu veux dire que voilà, c'est quelqu'un qui, visiblement, de ce qu'elle dit, a été de façon répétée la victime d'agressions sexuelles et autres. Moi, ce qui m'a frappé, moi, j'ai envie d'y venir assez vite. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un peu comme tout le monde, hein, tous ceux qui ont pris connaissance de ce truc-là. Je lis le condensé des faits, la petite synthèse que cette personne a bien voulu en faire. Ça n'a rien d'original, parce qu'effectivement, des agressions sexuelles, il y en a tous les jours en France, on le sait. Et on sait aussi qu'elles sont majoritairement le fait, des immigrés, notamment des Maghrébins et des Africains, on le sait. Mais je me suis prêté au jeu, j'ai lu le papier et je me suis dit, tiens, bon, rapport des faits directs qui était assez intéressant. Je me suis dit, le vécu d'une personne par elle-même, je l'ai lu. Et en fait, très très vite, je me suis posé la question, mais ça c'est marrant, il manque quelques petits trucs dans son récit. C'est-à-dire que j'entends bien la violence, j'entends bien le ras-le-bol, j'entends bien le sexisme, enfin des choses de cet ordre. Elle dit bien, elle martèle bien, je suis une femme, on en a assez, d'accord, formidable. Et puis il manque quelques catégories conceptuelles pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas les catégories ethniques et raciales. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle ne dit qui fait le coup. Bon, et entre nous soit dit, bon voilà, on va pas se mentir. En gros, il faut deviner quand elle dit qu'est-ce que tu veux, comment ça va, princesse et compagnie. Bon, c'est très rapide. C'est-à-dire que dès le début, tu sais que tu as affaire à des putains de boucas. Il n'y a que cette engeance-là qui parle comme ça. dans la rue, voilà, une personne lambda. Ou des bougnoules mentaux. Ouais, mais ouais, c'est assez rare en bande comme ça. Tu sais, le bougnoule mental, il est un petit peu esselé, tu vois. C'est, là, il fait son farid. Ah, il est seul dans sa quartier. Chambre à chanter des morceaux de Booba, quoi. Voilà, avec son petit fagnon, avec une feuille de cannabis, tu vois. C'est un petit peu ça. mais non, mais bon. En tout cas, moi, de ce récit-là, hein, que tu nous as si bien décrit. Il faut en retirer quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez, ça se répand de plus en plus, mais grâce à ce type d'agression, on a de plus en plus de progrès en ce qui concerne la rhumatologie, hein, donc tout ce qui est traumatisme des articulations, voilà, hein, des coups, etc. On arrive à voilà avoir une médecine efficace. Donc merci. Merci les nègres, merci les boucaques, on progresse grâce à vous. On avance. Il y a quelque chose à préciser que sûrement certains de nos auditeurs ignorent. Les chiffres de la violence conjugale, qui sont pourtant gonflés par les féministes, par le lobby féministe qui pèse très lourd dans la sphère médiatique. Malgré tout, il est largement en dessous de la réalité parce qu'il y a dans ces communautés, comme je le disais tout à l'heure, des codes intracommunautaires. Et il y a des choses que la République n'a pas le droit de regard sur certaines de ces choses qui se passent dans ces communautés. Et le rapport entre hommes et femmes dans ces communautés-là est complètement protégé. La République n'a pas son mot à dire. Et en réalité, elle est très très courante, puisque c'est leur façon de faire depuis toujours. Et puis d'ailleurs, bon, c'est bah déjà, il y a une célébration. Enfin, maintenant, je vous rappelle quand même qu'on sort d'une phase de célébration de la burkini, de l'autorisation du voile, etc. Donc, il y a quand même une phase patriarcale. Donc c'est assez rigolo de, enfin, moi je trouve ça fascinant et passionnant de montrer à quel point vers les contradictions du système. C'est-à-dire qu'en même temps vous avez des féministes, parce que cette fille-là, on va le voir, on va y revenir, sont des féministes convaincues qui défendent, enfin qui ont une certaine vision des choses dans les rapports hommes-femmes, dénonciation du patriarcat, etc. Quand ça concerne l'homme blanc. En même temps, ils sont en train de leur passer tout ce qu'ils veulent, enfin, tous les immigrés, ils leur passent tout ce qu'ils veulent en disant oui, mais comprenez le droit à la différence, le machin, le truc. Puis en plus, entre nous, a dit, ça nous coûterait tellement de pognon de fliquer tous ces cons qu'on n'a même pas envie d'y penser. Donc en fait, voilà, en fait, donc progressivement, il y a une compartimentation des comportements qui fait que voilà, oui, bah oui, mais les Arabes, ils ont le droit d'être misogynes, agressifs, ils ont le droit de tabasser leurs femmes, ils ont le droit de les bâcher, voilà. Les blancs, alors le blanc, attention, alors lui, par contre, là, le moindre mot, machin truc, alors la police, il faut faire attention, il faut pas, le mot trop haut, le mot déplacé, alors là, c'est le lobby féministe qui rentre en action. C'est absolument fascinant. Alors, ceci étant dit, moi, je veux que, quand même, on reste un petit peu sur le fond de l'affaire, parce que dans ce récit-là, qui est assez symptomatique, ça se passe à Toulouse. Bon, Toulouse, excusez-moi, c'est quand même une ville dégueulasse, Toulouse, parce que c'est une ville qui s'est tapé des couches de enfin, ils ont tout eu Toulouse, enfin c'est il y a tout, enfin oui, juste ouais, oui Toulouse sud-ouest, on va dire capitale du sud-ouest, hein, avec Bordeaux plus ou moins. L'occasion de revenir sur mon obsession personnelle, c'est-à-dire les espingouins, c'est cette sale race qui est venue coloniser le sud-ouest, hein. C'est pour la plupart anti-franquistes, et voilà, qui ont fait que cette ville Toulouse et sa banlieue est une poubelle. Voilà. Merci voilà. Ah, mais bon, la grosse particularité de ces gens-là, c'est qu'ils sont anti-franquistes, parce que c'est pas le fait qu'ils soient espagnols qui fait que ce soit des sous-hommes. C'est justement l'Espagne les a chassés. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on scoltine les déchets des autres pays. Ouais. Je crois qu'il y a, enfin, on verra les causes à effet, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se creuse à tout. Et en plus, il y a eu aussi des rapatriés d'Algérie, pas forcément les meilleurs, suivez mon regard, et d'autres, hein. Puis ensuite, évidemment, tout le flot de maghrébins, de nègres. Alors, pour en revenir à notre agression, donc, au milieu de ce cloaque, interracial, notre petit bout de bonne femme se fait agresser, se fait éclater la tête contre une barrière métallique, c'est ce qu'elle dit. Mais dans son récit, alors là, par contre, rien sur la prédation raciale, hein, absolument rien. Et moi, je trouve ça fascinant parce que chez ces féministes, en fait, finalement, c'est qu'en fait, il n'y a pas plus conformiste que ces féministes. Il n'y a pas plus conformiste. Parce qu'en fait, la morale en place qui leur dit que voilà, le mal musulman, le mal maghrébin, le mal africain, c'est une victime. Et elles avalent ça, mais je veux dire, comme du yaourt. Hein. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Donc, elles continuent de développer leur rhétorique contre le patriarcat, l'oppression par les hommes, etc. Mais quand on leur demande d'être concrètes, d'identifier concrètement le problème quand il est question de l'oppression masculine, soudainement, ça devient très flou. Hein. Non, mais... On est dans le vague, les hommes, les femmes, l'oppression, la peur doit changer de camp. J'adore cette expression qui est une expression gauchiste finie à la piste d'ailleurs. La peur doit changer de camp. Attendez, les femmes blanches vont insinuer la peur dans les rangs des banlieues africaines et musulmanes de France et de Navarre. Mais oui, certainement, oui. Mais je sais pas à quelle heure, par contre. Hein. C'est vraiment catastrophique ce déni de réalité. Mais la femme a une énorme aptitude à nier la réalité. C'est fascinant au quotidien. Et là, si tu veux, on a affaire à un cas qui est clinique, quoi, un cas à mettre dans un laboratoire, parce que la fille, manifestement, c'est l'énième agression. Et il y a un dénominateur commun dans toutes ces agressions, c'est qu'à chaque fois, ils ont les mêmes faciès, qui ne ressemblent pas à ses cousins, à ses oncles, et à tous les membres de sa famille. Et elle ne fait toujours pas le lien. Après 15, 20, 30 expériences, elle ne fera toujours pas le lien en sachant, par exemple, je vais lui dire si cette pauvre dame, cette pauvre fille tombe malencontreusement sur notre vidéo, sur notre audio, je vais lui dire quand même que dans des pays comme la Suède ou la Norvège, le taux de viol, le taux d'agression sexuelle était de 0% avant l'arrivée des immigrés, quoi. Donc qu'elle réfléchisse bien si elle est sincère dans son combat contre le patriarcat oppresseur, parce que bon... C'est ça son ennemi, manifestement, bah, qu'elle se penche sur le patriarcat oppresseur de Norvège avant l'arrivée des immigrés. Et elle verra que c'est pas si oppresseur que ça. Non, mais tu dis la pauvre. Enfin, moi, je refuse ce qualificatif, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'est plainte, hein, publiquement, de recevoir des soutiens. Allez, on y vient de ça. Vas-y, mais enfin, simplement, avant de passer à cette phase-là, et Dieu sait que vous allez pouvoir dire des trucs, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aveuglement total, effectivement, sur l'origine de la menace. On fait semblant au nom, tu vois. En fait, il y a un. Moi, c'est comme ça que j'identifie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de norme social qui fait qu'on t'interdit de voir les différences raciales, on t'interdit de voir les différences comportementales conditionnées par l'origine ethno-culturelle, donc ça n'existe pas, voilà, je me fais agresser à l'aveugle, voilà, donc tu fais semblant. La fille, effectivement, se fait toucher le cul, se fait insulter, voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le rappeler, ça, pour les nègres et pour les bougnoules, une blanche est un trophée. C'est un trophée et c'est aussi le moyen d'humilier. Faut jamais l'oublier, ça. Ce sont des gens qui savent profondément. Le sentiment d'infériorité chez eux est très ancré. Ils le savent. Ils savent que ça vaut de la merde. Et ils en conçoivent une haine farouche. Et ils ont envie de se venger. Et pour eux, évidemment, le trophée par excellence, c'est la femme blanche. Donc si on peut humilier la femme blanche, si on peut la violer, on humilie par procuration l'homme blanc, évidemment. Et c'est pour ça qu'ils prennent un tel plaisir à transformer la femme blanche en objet. Voilà. Oui, non, mais c'est pour ça qu'elle ne se plaint pas de la race de ses agresseurs. Évidemment. Parce que c'est une gauchiste. Donc, pour le gauchiste, l'étranger, l'immigré, le métèque, le bougnoule, le nègre, c'est un être naturellement oppressé dès la naissance. Donc, voilà, elle ne mentionne pas, elle préfère Mettre ça sous une étiquette indifférenciée. Par conformisme. Oui, de conformisme. Par conformisme, c'est, voilà. C'est le patriarcat, ouais. C'est le patriarcat oppresseur, mais à aucun moment tu vas avoir une mention de la culture afro-maghrébine, du patriarcat islamique. Ça n'existe pas. C'est, voilà. Je suis une femme, machin, etc. C'est-à-dire qu'on est, on évolue dans des catégories abstraites. Oui, des catégories qui ne correspondent à rien dans le réel. Mais exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des personnes, en l'occurrence celle-là, mais qui représentent parfaitement, je veux dire, cet européen ou cette européenne postmoderne, en fait, qui pense que tout le monde voit le monde comme elle le voit, alors que pour, je veux dire, les Maghrébins, ou pour les Africains, elle n'est qu'une blanche. Et qu'une blanche, c'est une chienne qu'il faut baiser et violer. Sauf que elle, de l'autre côté, j'allais dire, du tube, en quelque sorte, elle, le monde, elle le voit en disant « Ah, mais tout le monde est égal, etc. » C'est-à-dire que c'est une déconnexion totale, et ça se termine très très mal. C'est-à-dire que le manque de réalisme se termine par des très gros problèmes immédiats. Alors que quelqu'un, une femme qui serait avertie de ces choses-là, en disant, voilà, les Africains, les nègres sont des violeurs en puissance, les musulmans, c'est exactement la même chose, les boukaks, exactement la même chose, et bien, je m'en tiens à distance, voilà, j'adopte certaines attitudes. Et voilà, mais jamais, bien sûr. Jamais, elle s'en serait approchée, elle lui aurait craché dessus. Rien que ce comportement montre qu'elle est dans un déni de la réalité qui est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'elle sait même pas qu'il y a des racailles en France. Parce que ne pas le dire, c'est une chose, puisqu'on n'a pas le droit de le dire. Bon, à la rigueur qu'elle se taise, mais tout le monde, au fond de soi, on sait tous qu'il y a des gens en France extrêmement dangereux qui n'ont rien à perdre, qui sont drogués jusqu'aux yeux, pour qui la tôle est un hôtel et qui s'en battent littéralement les couilles de toutes les conséquences judiciaires qu'impliqueront leurs actes. Et ça, nous on le sait, elle le sait pas, c'est complètement fou, donc elle va cracher à la gueule de racailles comme ça, ce qui... Attends, elle crache pas à la gueule de racailles, elle crache pas à la gueule de racailles, elle crache à la gueule d'ailleurs, du patriarcat. Alors voilà... Non, mais là, dans la rue, attendez, de son acte, là. Attendez, là vous allez comprendre. Effectivement, elle acte d'une violence, elle dit « je suis la cible d'une violence, et c'est inacceptable, etc., j'en ai marre, etc., il faut que la peur change de camp ». Mais elle ne nomme pas le problème, évidemment, elle refuse de le désigner, et vous allez comprendre pourquoi elle refuse de le désigner. Parce qu'en fait, cette femme-là est déjà conditionnée par un certain type d'idéologie. On a donné quelques indices pour ceux qui nous écoutent. Mais quand vous allez sur sa page Facebook, donc cette personne s'appelle Prisca Beau, c'est ça son nom, elle donne certains indices, comme je l'ai dit. Voici ce qu'elle dit. En réaction, en fait, elle donne son témoignage, je l'ai lu, et ensuite, elle reçoit des messages de soutien, ou des messages critiques. Voici ce qu'elle répond. Alors voilà, je vous fais part des sales réactions que j'ai pu lire sur mon statut et les messages insultants teintés de racisme qu'on m'envoie depuis hier, pour mesurer ensemble la beauté de l'humanité. Et en fait, là, elle publie un message où il y a quelqu'un qui lui dit, en fait, oh ben, j'avais beaucoup d'empathie pour toi, ce qui t'est arrivé et tout, ça me rendait triste. Puis ensuite, je me suis rendu compte, en fait, que t'adorais les Arabes, et je me suis dit, c'est bien fait pour ta gueule, connasse. En fait, voilà ce qui s'est... Et en fait, la fille est tellement antiraciste qu'elle adhère totalement à ce message-là. Et donc, elle dénonce le racisme sur sa page, au lendemain de son agression avec son bras pété. Donc, elle prend la défense des Maghrébins. Je veux dire, elle s'est fait s'arrêter la gueule par des Maghrébins, et elle prend la défense des Maghrébins. Je vais simplement rajouter un autre truc, et là, vous, ensuite, vous réagissez, et puis on conclura là-dessus. Le 13 septembre, sur cette même page Facebook, elle publiait un article qui s'intitulait comme ceci, « Féministe mais anti-voile, un argumentaire à l'usage du féminisme non excluant ». Bon, alors, le baratin gauchiste habituel. Oui, alors, dès que t'entends des mots comme ça, tiens... Oui, ça pue, mais voilà, j'explique le truc. Alors, l'article, en substance, expliquait que pour être féministe, il fallait accepter le voile. Et alors, la personne qui l'a rédigé écrivait ça en préambule. Mettez vos ceintures. Nota bene, j'ai retiré de ce texte le passage sur le racisme intériorisé Car invoquer un tel argument, donc le fait qu'elle elle appartienne à la race blanche, c'est ce qu'elle disait, est déplacé de par ma propre position. Donc en fait, la fille fait un topo sur le voile en Occident en disant que la position féministe contre le voile est inacceptable parce que c'est une manifestation de colonialisme. Et avant de commencer son texte, elle dit « Je suis obligé quand même d'expliquer que voilà, j'ai un racisme intériorisé en moi et qu'il y a certaines formulations qui sont inacceptables. » Donc en fait, on est typiquement dans l'exercice d'autocritique communiste où vous avez la personne qui commence déjà par s'accuser. Vous voyez, ah, je m'accuse, je suis une blanche. L'exercice voilà. D'autodestruction, hein, si tu... Bah, autocritique, autodestruction, ça va avec, c'est ouais. La même chose. Oui, non, mais tu sais, dans autocritique, monde... c'est quand tu fais des heures. Non, là, tu fais pas des heures, tu es toi-même. Tu es juste là à être en train d'autodétruire. Hein. C'est... Voilà. Non, mais dans le monde communiste, l'autocritique, c'est un exercice d'autodestruction. Oui, mais il faut pas... Enfin... Selon moi, il ne faut pas reprendre le champ lexical de l'ennemi et appeler les choses par ce qu'elles sont. C'est-à-dire, ce n'est pas une autocritique, l'autocritique ouais, que tu vas te faire sur des erreurs que tu aurais pu commettre. Tu vois. L'autocritique marxiste, c'est une autodestruction pure et simple. C'est tout. Ah oui, on est absolument d'accord. Mais je fais une analogie en disant que, oui, rappelez-vous, dans tous les régimes communistes, c'est-à-dire la Chine communiste, le Cambodge communiste, la Russie communiste, les exercices critiques, c'est un exercice où on se met en place publique. Enfin, on est dans la cellule du parti ou même plus face à une audience plus large, où on dit voilà, j'ai commis des erreurs par rapport à la ligne du parti, par rapport à l'idéologie, j'ai commis des erreurs, j'ai manqué par rapport à tel point, j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça, etc. Donc en fait, je me renie, hein, je dis voilà, je suis en tort. Et là, voilà ce qu'elle dit, hein, son article en faveur du voile au nom du féminisme, dit voilà. Je suis en tort dès l'origine parce que je suis une blanche, hein, donc je suis une blanche, je n'aurais pas dû dire ça. J'ai un racisme intériorisé. Extraordinaire. Et ça, c'était sur la page Facebook de cette fille qui s'est fait tabasser par des maghrébins. Donc quand vous voyez une nénette qui se fait savater par des maghrébins, qui était pratiquement au bord du viol probablement, qui s'est déjà fait violer, c'est ce qu'elle dit, et qui vous fait, après son agression, un laïus sur le racisme, après avoir écrit des conneries comme ça en faveur du voile, vous vous dites que cette connasse, à part se convertir à l'islam ou le suicide, elle a pas tellement d'alternatives, quoi. Soit elle se suicide, elle se balance du haut d'un pont, soit elle se convertit à l'islam. Moi je vois ça. Bah, de toute façon, il y a un truc déjà. Il va falloir considérer trop cette femme comme un être pensant quand même. C'est-à-dire que elle, tout se passe à des niveaux subconscients. Il y a rien. Elle ne sait pas pourquoi elle fait les choses. Il y a des choses qui se passent à des niveaux subconscients. Elle n'a aucun recul sur ces choses-là. Et là, on voit quand même la capacité de soumission de la femme intrinsèque, hein, à la condition féminine. C'est-à-dire, la femme est habituée à se soumettre et en a même besoin. Elle se sent bien dans la soumission. Et elle est capable de. En réalité, elle a mentalement accepté le baratin féministe selon lequel la femme serait un être indépendant qui doit décider librement de ce qu'elle va faire dans la vie, tout ça. Mais au fond, elle reste une femme qui a besoin de force et de gens qui lui disent quoi faire. Et elle est prise dans cette folie entre l'envie de critiquer ces gens-là et son appel du ventre. Il y a une schizophrénie entre moi, ce que j'appelle le surmoi, parce que c'est un surmoi qui est imposé par la culture dominante, c'est-à-dire que les impératifs de la morale, de l'ordre social dominant, où on vous dit voilà, il ne faut pas être raciste, etc., voilà, elle est dans. On dit non, je ne peux pas désigner mon agresseur, donc je refuse de voir l'agresseur. Et en même temps, la souffrance qu'elle subit véritablement, et qui est un drame, parce que quand on est une femme à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, une femme européenne, et qu'on veut s'habiller à l'européenne, on subit un calvaire, parce qu'on est insulté, on est traité de putain, etc., régulièrement. Ah. On est considéré alors, comme... Enfin, c'est un calvaire selon nous, mais écoute, si ça la fait pas réagir tant que ça, c'est que de son côté, ça doit pas être si. Oui, mais attention, c'est difficile que ça. Il y a une pollution idéologique qui est à l'œuvre, où on trouble la perception du réel avec cet impératif qu'on martèle dans la tête des gens. On leur dit, voilà, non, vous ne pouvez pas être raciste, c'est impossible, vous ne pouvez pas déterminer les gens par rapport à leur culture, leur race, leur origine. Ah bon, d'accord, très bien, non, je ne peux pas, d'abord, d'accord, très bien. Donc, je ne peux pas identifier l'ennemi. Bah, comment je fais? Ah bah alors, je vais chercher des dérivés, je vais chercher des causes autres. Ah bah oui, ça va être le patriarcat. Quel patriarcat? Oui, non, effectivement, oui. Quel patriarcat? Le patriarcat maghrébin? Non, oui, non, pas vraiment. D'abord, lequel alors? Ouais, l'exploitation. Oui, le patriarcat voilà. Catholique, quoi. Voilà, France, non, mais en fait. C'est très bien qu'en France, le catholicisme règne partout. Hein. Voilà. Non. Non, mais on est dans le déni, si tu veux. Non, mais d'accord, tu parles de pollution idéologique, etc. Moi, de mon côté. Oui, mais attention, ça joue beaucoup. Oui, d'accord. Ça joue avant l'acte d'agression. Je considère, pour ma part, mais bon, c'est un jugement voilà, qui est le mien, que quand tu te fais agresser par, de multiples fois par des nègres et des arabes et que tu viens te plaindre du racisme, tu n'as pas, voilà, tu l'as bien mérité. T'es bon pour la benne. T'as raison, je jette pas la pierre. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que il y a une pression sociale qui est telle et qui chez certains individus fonctionne tellement bien qu'ils ont une capacité à accepter la souffrance à titre individuel, qu'ils acceptent la culpabilisation ou de culpabiliser leur groupe d'appartenance, donc en gros les blancs, en disant voilà, c'est la faute des blancs. Voilà, et c'est dramatique parce qu'en fait ces gens-là vont aller beaucoup plus loin dans l'expérience d'autodestruction, ce qui fait peur, hein. Mais visiblement cette personne-là, la personne dont on a parlé, est capable d'aller beaucoup plus loin dans l'autodestruction. Ah oui, non, mais... Mais je te rejoins totalement. Disais tout à l'heure sa destinée de se suicider ou de se convertir à l'islam. Moi, je vois effectivement la conversion à l'islam comme quelque chose de pas très loin, hein, pour cette femme-là. Hein. Bah oui, elle va dire qu'est-ce que je veux échapper à la violence. Au niveau eugénisme, ça nous débarrasserait de tous ces déchets ultra sensibles. Enfin voilà, on n'en a pas besoin, qu'ils les prennent. On n'en veut pas. Non, mais c'est le dicton, vous connaissez. Elle offre son cœur au vaincu et son cul au vainqueur. Et là, en fait, il y a un vrai problème qui se pose aujourd'hui parce que, étant donné que les catégories ne sont pas claires, que les bourreaux et les victimes ne sont pas des catégories clairement établies, puisqu'aujourd'hui, bon, on le sait très bien, il y a une invasion immigratoire favorisée par l'élite avec tous les moyens mis en place pour la favoriser, qui a toutes les dispositions judiciaires et tout ça pour les favoriser, et à l'inverse, face à ça, il y a des blancs nationalistes persécutés, tout ça. Donc les bourreaux et les victimes, pour ceux qui veulent voir la réalité en face, aujourd'hui est assez clair, même si les nationalistes, par principe, refusent de se positionner comme victimes. On est des combattants, pas des victimes, mais selon leur catégorie à la con, on devrait être les victimes. Sauf que là, les bourreaux, les catégories ne sont pas clairement établies, donc on a des femmes qui en réalité offrent leur cœur aux vaincus, qui dans leur esprit, dans leur cerveau malade, sont les immigrés, puisqu'ils sont les vaincus par la colonisation, le racisme, tout ça, et elles offrent aussi leur cul aux vainqueurs. Et là, c'est instinctif, elles savent qui sont les vainqueurs, elles savent qui domine la rue, qui domine la cour de récréation, qui domine la gare routière, elles savent qui fait baisser le regard, et elles savent que c'est les bandes ultra-agressives protégées par l'État d'africano-maghrébins, ouais, pourquoi pas, enfin, on peut... Ouais, africano-maghrébins, ça va très bien, ça marche bien. D'afro-maghrébins, ouais, ouais. De nègres arabes, c'est comme tu veux. De boucaïque. Mais donc on a des femmes qui offrent et leur cul et leur cœur au bourreau et à la victime qui se trouvent dans la même personne. C'est assez bizarre, mais bon, c'est ce qui est en train de se passer chez beaucoup de ces espèces de gauchistes féministes là qui sont complètement perturbés, quoi, et qui sont à les écouter dans un combat contre la violence faite aux femmes, un combat pour l'éternité, un combat à la vie, à la mort. Et puis, sans sourciller, hein, la bouche en cœur, vont laisser rentrer des gens qui mais à qui la culture impose un comportement complètement inverse. Ouais, d'ailleurs, ouais. Pour l'hypothèse de ceux qui pensent à la conversion à l'islam, je ne peux que leur donner raison. Il y a 3 jours, il y a eu l'arrestation d'un bonhomme en Belgique, dans la région de Charleroi. Et ce type torturait l'aînée de ses filles, 15 ans. Elle était torturée depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire sa dernière année de maternelle. Donc elle était toute petite. Le type la torturait avec divers objets, des outils. Il la torturait aussi au fer à souder et au chalumeau. L'article dit un calvaire qui aurait commencé, donc, comme je l'ai dit, lorsqu'elle n'était qu'en troisième maternelle. Elle souffre de fractures à répétition qui n'ont jamais été soignées et présente de nombreuses traces de coups et brûlures sur pratiquement tout le corps. Naturellement, tous ceux qui commentent les articles se sont dit, mais enfin, comment est-il possible que ça ait duré 10 ans et que personne, les voisins, les enseignants, personne n'ait rien remarqué? Eh bien, c'est simple. Le père était un musulman et la fille, la petite fille, était tenue de porter le hijab, ce qui cachait tous les coups qu'elle recevait, toutes les tortures qu'elle subissait. Alors il ne reste à cette masochiste antiraciste qu'effectivement se convertir à l'islam, comme ça elle pourra se plaindre et ne pas avoir à montrer ses coups et son antiracisme. Formidable. Ah, ça, c'est voilà, bon, ça. Elle pourra se plaindre de l'homme blanc tout en prenant des coups de son avec des bougnoles, hein. De son farid de mari. Autour d'une tasse de thé à la menthe. Voilà, elle boira du thé à la menthe, enfin elle boira ou elle se le prendra à la figure, hein, le thé à la menthe brûlant, et puis elle pourra se plaindre tranquillement de l'oppression patriarcale de la société occidentale. Ouais, ouais, non, mais c'est connasse. C'est connasse. Au fin fond de Raqqa, dans un où les seules fois où elle pourra parler librement, c'est quand elle aura réussi à se payer une demi-heure de Skype en loose day pendant que son mari sera parti baiser ou égorger quelques couffards. Ah ouais, non mais attendez, ça paraît un petit peu science-fiction, hein, mais moi je vous le dis que d'ici quelques années, quelques décennies, on n'y sera pas loin. Hein, je pense que bon, oui. Bah, d'ailleurs, remarquez la Belgique. La Belgique, c'est déjà. Oui, c'est ça. En fait, la Belgique, c'est déjà. Enfin, je suis en train de raconter des conneries parce qu'en fait, Fulbert nous dit en Belgique, c'est déjà, ça se passe déjà. Donc tout va bien, quoi. Bon, formidable. Bon, bah écoutez, débat assez enrichissant. Je pense qu'il y avait de la matière, il y avait de la matière. Alors, deuxième partie un peu plus courte, évidemment, qui va nous concerner sur l'histoire que vous suivez probablement pour le remplacement de population. C'est le remplacement de population, il y a une carte qui est établie sur la drépanocytose, une maladie du sang. Maladie bien européenne. Oui, très européenne, exclusivement européenne d'ailleurs. D'ailleurs, qui est dépisté dans tous les hôpitaux de France et de Navarre et qui nécessite un vaccin. C'est suivi, enregistré par un organisme tout à fait particulier. Je m'en vais vous en donner l'origine pour pas que vous ayez l'impression que je me moque de vous. Donc, enfin là je cite, hein, je vais vous citer en gros le truc. Les chiffres du dépistage de cette maladie, donc la drépanocytose, sont publiés par l'AFDPH. À vos souhaits, permettent ainsi de relever une partie du voile sur les modifications en profondeur de la population française. Effectivement, ce sont des, comment dirais-je, cette maladie, la drépanocytose, est une maladie du sang qui touche des maladies exclusivement africaines, asiatiques, orientales et à la marge méditerranéenne, donc un petit peu les Italiens, un petit peu les Grecs, et en quantifiant, le volume des vaccinations qui sont faites sur les nouveau-nés en France, ça nous permet d'avoir une idée du volume de naissances qui ne sont pas d'origine d'extraction européenne en France. Et alors là, je présume que vous êtes au courant, enfin les chiffres sont désastreux, on est d'accord. Hein. Quelqu'un veut... C'est absolument catastrophique, les chiffres qu'on a vus là. Ouais, je sais qu'en PACA, là, on est passé à plus de 50%. On était juste en dessous il y a 52. Voilà, 52, on était à 49 il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est bien. Enfin, bon, moi, à titre personnel, c'est vrai que enfin, j'ai vu le contre-coup. C'est-à-dire que je les vois arriver, là, je passe devant une école, hein, tous les jours en allant au boulot. Là, la rentrée scolaire, par rapport à l'année dernière, il y a eu une. Ouais, je sais pas, il y a eu les oiseaux, c'est pas les oiseaux migrateurs, tu vois, c'est les beurettes migratrices, hein, et voilées, ouais, sur tout le corps. Il manque juste le, tu vois, la partie pour faire ninja à Belphégor, tu sais, et donc il y a juste, bon, on voit leur face quand même, hein. Mais alors, il y en a une masse devant les écoles, et Alors, c'est pas il y a, étonnant, y a tu vois. alors, C'est je pas vais donner étonnant quand on voit les le. chiffres de donc de 50%. Ouais, je vois ça venir quoi dans le réel. Hein. Alors, au niveau des chiffres, soyons précis. En 2015, 38,85% des dépistages de cette maladie ont été effectués sur les naissances, ce qui veut dire que 38,85% des naissances sont potentiellement exposées. Alors, en retirant les naissances qui sont d'origine italienne, qu'elles soient italiennes Ouais, ou. italienne du sud, Enfin. hein. Italienne du sud, Méditerranéenne, attention. Hein. méditerranéenne, méditerranéenne, méditerranéenne. Les naissances qui sont d'origine méditerranéenne, qu'elles soient espagnoles ou italiennes, voire grecques, et c'est très peu finalement aujourd'hui en France, on est sur un chiffre de 38,85%, donc en gros 39%. 39% des naissances qui sont en France, possiblement donc d'origine africaine, orientale ou asiatique. Par région Après maintenant. le. Attends, je le détaille par région. PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 52%. Languedoc-Roussillon, 41,91%, 42%. Dans la région des Midi-Pyrénées, 33%. Aquitaine, 17%. Il y a des régions un petit peu improbables, comme l'Auvergne. On est pratiquement à 19% de naissances non européennes en Auvergne. Rhône-Alpes, pratiquement 39%. Alsace, 36%. Et alors là, évidemment, l'Île-de-France, la région parisienne, la grande région parisienne, qui compte maintenant 12 millions d'habitants au moins, 73,4%, pratiquement 74%. Ouais, non, mais là, oui, le cœur, Trois le quarts, trois quarts. l'Île-de-France, voilà, clairement, bon, Là, c'est une, on peut faire une croix c'est dessus, un, quoi. Hein. Il faut faire un mur autour et puis les laisser crever, hein. Les laisser crever c'est dans un, leur jus. Hein. on est à trois quarts de naissance non européenne en Île-de-France. On en est à la plus de la moitié en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est à 40% dans le Languedoc, 35% en Alsace. C'est un tsunami racial qui se passe aujourd'hui en France et qui augure du reste, quoi. C'est aberrant, c'est hallucinant. Moi, je fréquente un petit peu les hôpitaux et j'ai eu l'occasion, que ce soit pour le travail ou pour des raisons personnelles de santé, de fréquenter en fait des hôpitaux pour les vieux, le gérontologie, quoi, les hôpitaux, enfin les maisons de retraite, les hôpitaux normaux et les hôpitaux où il y a les naissances, les sages-femmes. Et en fait, au fur et à mesure qu'on descend en âge, on gagne, mais c'est pas qu'on gagne quelques pourcents, on double ou on triple le pourcentage d'extra-européens. Alors moi j'ai vu, alors je l'ai vu en Suède et en France, dans le département des naissances, j'ai vu que des Noirs. Ça, c'était en Suède, où je n'ai vu que des Somaliens. C'est-à-dire que le petit enfant que j'allais voir naître était le seul petit blond qui sortait de cet hôpital ce jour précis. Il n'y avait que des groupes d'Africains. Et puis, il faut voir, en plus, parce que pour une naissance, ils viennent avec toute la famille. Ça crée des encombrements dans les hôpitaux. Ils sont dans les couloirs. Ils sont parfois à 20, 30, des choses complètement hallucinantes. Enfin, Sans vous compter le l'imaginez en bruit et Suède, l'odeur, encore hein. plus hallucinante qu'en France. Et puis en France, j'ai vu exactement la même chose, pas à ce degré, j'étais pas aussi choqué, mais c'est à peu près la même chose en France. Donc des usines à nègres. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ceux qui nous parlent d'un grand remplacement fantasmagorique, tout ça, sont vraiment des farfelus, quoi. Hein. Il y a juste à se pencher sur. Enfin, tous les chiffres le disent. 73% en Île-de-France, enfin, que les gens réfléchissent bien sur ces chiffres quand même. Je vais Enfin, ils donner une réfléchissent échelle, sur. puisqu'on Non, mais on les a. Attendez, simplement. pour donner une idée de la profondeur de ce qui est en train de se passer, Île-de-France, aujourd'hui, effectivement, on a 73,40% de naissances, grosso modo, non européennes. En 2005, on était à 54%, il y a seulement 10 ans. 54% aujourd'hui, on est à 74%, pratiquement. 2010, 5 ans après, 60%. Donc on avait gagné 6% de 2005 à 2010, mais entre 2010 et 2015, on a gagné 13% et aujourd'hui on est à 73%. Enfin, donc en fait, gagner, littéral... c'est... Oui, gagner, oui, ou perdu, oui, effectivement. Non, mais enfin, je veux dire, ça donne une idée de la rapidité du phénomène, c'est absolument surréaliste. Ouais, bah, prenez PACA, non, 2005... C'est la démographie. 2005, non, non, non, simplement. On t'apprend ça en cours d'histoire géo. Hein. On t'apprend ça en cours d'histoire géo au collège, en Afrique. Voilà, on te dit tous les 20 ans, la population elle double parce que voilà, tu as ce qu'on appelle la démographie galopante. C'est, voilà, là, c'est, alors, c'est les nègres. Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2005, 32% de naissances halogènes. 2015, 52%, donc en l'espace de 10 ans, 20% supplémentaire, oui. Absolument surréaliste. Ah, oui, c'est oui. Une explosion de la naissance africaine. Donc en fait, la France devient une colonie du tiers-monde africain, une colonie nègre, avec l'horreur de tout ce que ça suppose. Donc les violences, la balkanisation, les us et coutumes de ces populations immondes, de cette basse humanité particulièrement repoussante. Voici ce qui se déroule sous nos yeux avec l'aide de l'appareil sanitaire français public. Ce non, sont les sages-femmes jamais. Publiques qui accouchent les négresses, disons-le. Et n'oublions jamais de dire quand même, Gandalf, qu'on se tape les pires. Parce que bon, il s'agit pas, je vais pas venir faire de l'antiracisme ici, hein, c'est pas le propos. Mais c'est vrai que quand on parle de basse population, il y a effectivement de quoi les estimer que ces populations sont inférieures sur tout un tas de domaines. Mais jamais oublier qu'en plus, on se tape les pires, puisqu'on se tape soit les lâches qui fuient la guerre en abandonnant leur famille, tout ça, soit les criminels qui fuient la répression policière, soit... Enfin bref, je ne vais pas vous faire la liste, mais on ne se tape que les déchets, y compris les réfugiés politiques, puisque les réfugiés politiques qu'on trouve par exemple beaucoup en Suède, puisque la Suède n'a pas la même immigration que chez nous, ce n'est pas une immigration des anciennes colonies, puisqu'ils n'avaient pas de colonies, donc ça n'est que des réfugiés politiques, enfin, énormément de réfugiés politiques. Donc ils se tapent tous les rouges. Parce que les réfugiés politiques, c'est souvent des Chiliens qu'on fuit Pinochet, ce sont des donc ils se tapent des rouges de partout. Donc même les réfugiés politiques, on peut les mettre dans le grand bateau des déchets humains que nous envoie le tiers monde. Il faut se rappeler de l'auteur de l'attentat de Nice. Je crois qu'il était tunisien hein, de mémoire. Le mec avait été jeté de son village hein, de Tunisie. Ah, parce qu'il était plus ou moins débile léger, quoi. Il a dit, bon, bah, lui, il rentre au camp, on va l'envoyer en France, quoi. Il va aller là-bas, il va être nourri aux allocations familiales, et puis voilà, et après, advienne que pourra, hein, c'est plus notre problème. Donc, oui, effectivement, hein, pour confirmer ce que dit Astérix, on a la crème de la crème, hein, chez nous, qui arrive, la crème de l'algérisme, du Sénégal, de tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est le... Voilà, on est un petit... Une grande réussite républicaine. Ah, une oui, réussite non, républicaine, oui. Du mérite républicain, voilà. Oui, oui, la création... Ouais, pour reprendre la maxime de nos amis nationalistes, hein, un empire trois couleurs, voilà, hein, ces gens-là sont destinés à devenir français, n'est-ce pas hein, voilà. Il y a beaucoup plus que trois couleurs dans le bazar, là. Ouais. Ça fait longtemps qu'on bleu, a tenté toutes les expériences. Il y a des reflets violets, il y en a certains même qui ont des reflets pétrole. Moi, j'en vois de plus en plus. Alors, Il y avait les billes pétrole, là, quand on jouait aux billes dans la cour de récréation. Mais là, moi, j'ai repéré des noirs pétrole aussi. Ils ont des petits reflets quand vous les regardez sous un certain angle de lumière. Ah oui, si un petit reflet bleuté aussi, un petit reflet bleuté. Si vous regardez bien, foncé. Si vous regardez bien, les mouches à merde sous le soleil, il y a toute une variété de couleurs aussi, c'est assez fascinant. Il y a du vert, du bleu acier, etc. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Il y a aussi moi des couleurs inédites. Y aurait-il des analogies à faire? Je ne sais pas. Hein. Oui, l'immigration, c'est de la merde. Oh, je te dis, oui. Que fais-tu des futures montagnes? C'est pas totalement des mouches à merde, malheureusement, puisqu'ils viennent en France, et que la France, c'est pas de la merde. C'est le plus beau pays du monde. Et malheureusement, ils s'agglutinent sur un trésor, quoi. Donc ils se comportent comme des mouches à merde, mais sur un trésor, quoi. Bon, espérons qu'ils soient aussi sensibles aux effets de certains produits chimiques, hein, pour neutraliser les insectes et autres parasites. Hein, voilà, bégon, j'en sais rien, peut-être les gazer après tout. Les chemtrails. Ah oui, je sais pas, oui. Non, on en reparlera, c'est un de ces quatre, les chemtrails. En tout cas, on a fait le tour du propriétaire, j'ai envie de dire. Bon, catastrophe raciale en France, hein, clairement. Invasion totale. L'île de France, aux trois quarts colonisée par l'Afrique et par l'Orient. C'est une catastrophe. Et ça se passe maintenant. Et c'est le plus grand changement. Attention, c'est le plus grand changement de population qui ne soit jamais arrivé en Europe de toute l'histoire. Et personne n'en parle dans les grands médias. Non, mais le plus inquiétant, c'est la tendance, quoi. C'est-à-dire l'accélération. Là, je crois que les chiffres à donner par les deux souches, c'est depuis 2005. Si tu fais une petite courbe, hein, avec tout ça, au niveau national, ouais, ça augmente assez. Ouais, c'est vrai, c'est assez régulier. Et puis, quand tu prends des régions en particulier comme Île-de-France ou la PACA, c'est voilà, tu te dis, oui, ouais, c'est quoi le projet? Bah, le projet, c'est de transformer la France en colonie africaine. Oui, en poubelle. Alors, bon, c'est déjà un petit poubelle, peu le cas, hein, on le voit un petit peu tous les jours de notre côté, mais oui, non, mais poubelle on arrive de plus en plus la finalité, voilà, au trou à rats musulmiques, hein, c'est beau, quoi. Hein. Le futur de la France, si tu veux, le projet qui est... Parce qu'en fait, c'est vrai, on pose jamais le projet, parce qu'ils sont là, oui, l'immigration, non, mais tu leur demandes, alors c'est quoi la finalité? Ils te le diront jamais, parce que la finalité en réalité, c'est de voir des nègres qui se tapent le cul dans la poussière en rigolant. Alors, je sais pas, je sais pas combien de temps ça va durer, parce que bon, c'est bien gentil, là, ces lois qui te font construire des logements neufs. Genre, tu construis une résidence avec plus de 1000 mètres carrés de logements privatifs, t'es obligé de mettre 30% de logements sociaux. C'est la loi française, hein, ça. Hein. Sur le pour la mixité mes couilles et comme racial non racial ouais, ni social voilà. Mais racial c'est vrai, donc c'est un promoteur quand il fait un projet immobilier, il faut qu'il prévoie dedans les nègres, quoi, tu vois, il faut qu'il prévoie c'est-à-dire que tu as des promoteurs qui font des super belles résidences, tu vois, tu as des immeubles vraiment tout propres, et puis dedans tu as les poubelles du tiers monde qui viennent se foutre dedans avec leur putain de voile, leur marmot de merde, voilà, qui crie partout, et voilà, leur odeur de couscous, d'huile rance, tu vois, qui passe devant chez toi, et voilà, ça, c'est vrai, et ça... Non, mais là, tu vois la marque de ce régime, non, mais moi, je dis toujours, la République mais moi, française, je peux c'est plus. Pareil, c'est... Non, mais surtout, quand tu commences à les avoir devant chez toi, moi, ça m'arrivait pas, putain, mais j'étais dans un coin où il n'y en avait pas un, et là... Là, voilà, depuis la rentrée, donc il y a eu 2-3 petits projets immobiliers qui sont construits. Je suis envahi de boucaques. Je suis envahi de boucaques, de putain de voilés qui se promènent avec leur portée de. Ouais, avec leur rat, quoi, dans les rues. Et ça va vous arriver. Voilà, là, il y a la grande ventilation. On en a parlé la semaine dernière depuis Calais. Vous allez vous en ramasser. Vous allez vous ramasser du métac. Donc, si vous continuez à voter socialiste, ben, je sais pas. Pendez-vous, faites que je sais pas, mais voilà, ne nous emmerdez plus, foutez-nous la paix. Ouais, clairement, là c'est. Ah non, mais là c'est. Non, mais on passe son temps. Mais écoute, ça va porter, je pense que la voix va porter au bout d'un moment. Parce que le réel va finir par transparaître. Ils font beaucoup d'efforts d'ailleurs pour cacher le réel. Mais en tout cas, les chiffres qu'on a donnés sont particulièrement parlants, c'est clair. Je crois qu'on a fait le tour de cette question. Enfin, on a fait le tour. Disons qu'on a parlé de ce on, nouveau... On a esquissé la chose, oui. On a esquissé la chose en termes chiffrés, voilà, parce que les gauches nous disent, oh là, vous n'avez pas de chiffres. Ben non, vous ne voulez pas qu'on en prenne, et quand on en trouve, ils ne sont pas bons. Émeric Caron appréciera nos chiffres. Bon. En tout cas, chers amis, c'est une émission qui nous aura particulièrement divertis et aussi, on aura quand même fait, instruit, mais poser un certain nombre de questions importantes. Le remplacement de population s'accélère. On a donné des chiffres. On a parlé de ce moyen de mesurer la colonisation de peuplement. Vous l'avez probablement découvert avec nous, ou alors vous le saviez. C'est pas piqué des hannetons, c'est moins qu'on puisse dire. Mais attention, rien n'est écrit, et je suis convaincu que beaucoup de choses vont se passer dans l'intervalle. Hein. Voilà, ça, c'est tout à fait certain. Juste rappelons que l'Algérie était française, et puis qu'en quelques semaines, voilà. Hein. Bon. Voilà. Voilà. Très gentiment, très jovialement, tous ces gens, tous nos compatriotes musulmans et autres africains. Soudainement, ont entendu la voix des cieux les guidant vers leur terre ancestrale. Allez savoir pourquoi. Enfin bref, hein, l'histoire est complexe, elle est pleine de remous. Et la semaine prochaine, on parlera des développements de cette fameuse histoire. Hein, l'histoire complexe des rapports entre notre peuple, le peuple blanc, et ses populations. À bientôt et portez-vous bien en attendant. Bonne semaine à vous tous, hein, chers amis. Le bateau vient juste d'accoster, encore une belle fournée, elle va bientôt s'installer, la diversité. Ils viennent reconstruire l'Occident avec leurs femmes et leurs enfants, sans oublier de s'intégrer aux braves immigrés. Elle vient guérir toutes nos douleurs, il nous faut toutes ses couleurs, l'ami de la France métissée, la diversité.